bienvenue à Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy pour la prochaine heure. Cette semaine, ben comme tout le monde, j'ai été pas mal occupé dans le temps des fêtes. Donc, j'ai demandé l'aide des auditeurs, des netlabels, de toutes les gens qui me suivent sur Twitter pour trouver des pièces. Donc, j'ai eu quand même des bonnes réponses. Vous allez voir, ça va faire une émission quand même assez éclectique. Je le sais, l'émission est déjà assez comme ça, mais vous allez voir, il n'y a pas vraiment de lien entre les pièces. J'y allais à mesure que les gens donnaient les suggestions. Donc, on va débuter tout de suite avec The Brand Flakes, qui ont fait une petite pièce de Noël, un petit single avec deux pièces. C'est en téléchargement gratuit jusqu'au 31, donc je vous invite à aller faire un tour sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, vous allez avoir un lien pour aller télécharger ce single-là. Vous allez voir, c'est vraiment tordant. Ensuite de ça, on va entendre une pièce qui est sur le netlabel Rec 72. Ça m'a été suggéré par Hans Dampf, qui est le manager du netlabel. Donc, Rec 72, qui vient de l'Allemagne. Je vais vous faire passer une pièce de Small Radio. La pièce s'appelle By Any Means. Je vous ai aussi mis une vidéo sur le site, donc je vous invite à aller voir ça. C'est vraiment bon. Donc, on débute tout de suite avec The Brand Flakes, la pièce Here Comes Santa. Aha! I just have to come around early to check and make sure I have my record straight. Ho, ho, ho! Here it is. We'll be right back. Vous venez tout juste d'entendre le duo écossais Small Radio. C'était la pièce By Any Means. Comme je vous le disais tantôt, j'ai mis la vidéo de la pièce sur le site de l'émission. Allez voir ça, ça vaut la peine. Puis enfin, on avait débuté avec une petite toune joyeuse du temps des fêtes. C'était par les Brand Flakes. C'était la pièce Here Comes Santa. Vous pouvez toujours la télécharger gratuitement jusqu'au 31 décembre. Dépêchez-vous. Ensuite de ça, ben, on va poursuivre avec un artiste du nom de Mec Allemand, qui vient coïncidemment de l'Allemagne. C'est sur le net label Ton Atom. Je vous fais entendre la pièce My Ego. C'est un remix par Sternen Springer. Puis ensuite de ça, on va entendre un artiste du nom qui roule sous le nom de Malaventura. Il s'agit de Fernando J. Tamaron. Je vous fais entendre sa pièce Welcome to Earth. Donc, on entend tout de suite Mec Allemand. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On vient tout juste d'entendre Malaventura, la pièce Welcome to Earth. C'est donc Malaventura, c'est l'artiste qui s'appelle Fernando J. Tamaron. Aujourd'hui, comme je vous disais en début d'émission, j'ai demandé la collaboration des gens qui me suivent sur Twitter pour préparer l'émission. J'avais vraiment pas le temps, donc c'est ça, j'ai reçu plein de suggestions. C'est vraiment apprécié. Avant ça, c'était Mec Allemand, la pièce My Ego. C'est un remix de Sternen Springer. Donc, c'était sur le net label Tom Atom. On va poursuivre avec quelque chose qui brasse un peu plus parce que c'était quand même assez tranquille la pièce précédente. On va entendre tout de suite un artiste que j'adore, je me tente jamais, il s'agit de Vernon Lenoir. C'est un Allemand, je vous fais passer sa pièce de Things DC. C'est sur le net label WM Recordings, un net label qui vient des Pays-Bas. Je vous fais souvent passer de leur matériel parce que c'est pas compliqué. Chaque album qu'ils lancent, c'est vraiment c'est toujours excellent. Puis ensuite de ça, ben je vais vous faire passer du Spaced Cowboy, la pièce Partying in Neptune. Donc, suite de ça, ben c'est ça, je vous fais passer ces deux pièces-là. On débute tout de suite avec Vernon Lenoir. Thank you. c'était la pièce Partying in Neptune par Spaced Cowboy, un autre artiste qui distribue sa musique à l'aide de Bandcamp. Ça s'en vient pas mal populaire, c'est une belle plateforme pour partager la musique. Donc, c'est ça, il y a un petit utilitaire qui est vraiment pratique dans l'interface de Bandcamp. Donc, vous pouvez laisser le soin à vos auditeurs, de si vous êtes un artiste, donc vous pouvez leur laisser le choix du prix de l'album. Donc, vous pouvez même mettre l'album totalement gratuitement. Donc, ça vous donne quand même un bon contrôle. Puis, l'interface est vraiment intéressante. C'est vraiment bien fait. Donc, si vous êtes des artistes qui cherchez une façon de partager votre musique gratuitement ou simplement pour vendre des albums en format numérique, c'est vraiment l'idéal. Bandcamp, ça fait la job, comme on dit. Donc, on entendait Space Cowboy. Avant ça, c'était Vernon Lenoir avec la pièce The Things They Say. C'était sur le net label WM Recordings. On va poursuivre avec une pièce, je suis sûr vous allez la reconnaître. Le groupe s'appelle Municipal Balkanica. C'est la pièce Ava Nagila, ma version des Balkans un peu. Vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Puis ensuite de ça, un groupe vraiment spécial, The Great Onanist Swindle. C'est sur le net label, voyons donc. Ah, c'est ça, le net label français. Et pourtant, ça avait bien commencé. Donc, ça a été suggéré par Adrien Dauve, qui est dans le groupe Death by Horsecock, un groupe qui est sur donc ce même net label là. Netlabel assez spécial, qui sont pas trop bien organisés. C'est assez compliqué de télécharger leurs pièces. Ils sont plutôt disponibles sur Last.fm, mais ils ont toutes sortes de trucs, mais vraiment, vraiment pétés. Ils donnent plus dans le noise. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. J'ai jamais rien entendu du genre. Donc, c'est ça. On débute tout de suite avec Municipal Balkanica, la pièce Ava Nagila. We'll be right back. Donc, vous venez de goûter au The Great Onanist. C'est un français qui vient de la ville de Lille. C'est sur le net label et pourtant, ça avait bien commencé. Ça a été suggéré par Adrien Dauve, un membre du groupe Death by Arscock. Donc, c'est un net label complètement pété. Je vous rappelle leur nom et pourtant, ça avait bien commencé. Ils ont vraiment toutes sortes de trucs. C'est vraiment incroyable. Si vous êtes amateur de musique expérimentale, allez faire un tour. Ça n'a tout simplement pas d'allure. Donc, la pièce s'appelait Les Enfants du Canal. Avant ça, c'était la pièce Ava Nagila par Municipale Balkanica. C'est ça. C'est une pièce vraiment enlevante. On va poursuivre avec Black Era, qui sont sur le net label A Quiet Bomb. Black Era, leur album s'appelle The Mute. Pour moi, c'est un de mes albums de l'année. C'est du dubstep. C'est vraiment excellent. Je vous fais passer la pièce I've Been Silent Enough. Puis ensuite de ça, une pièce des Sleep Makes Waves. C'est sur le net label Lost Children. Vous allez voir, la pièce est assez longue. Le titre de la pièce aussi est très long. Ça s'appelle « One day you will teach me to let go of my fears ». Donc, on va entendre ça tout de suite après Black Era. Vous êtes toujours à l'émission Web Music à l'antenne de CKRL. c'était Sleeps Makes Waves, un groupe australien sur le net label Lost Children. Vous venez d'entendre la pièce One Day You Will Teach Me to Let Go of My Fears. Donc, un groupe qui vaut vraiment la peine. Vous pouvez télécharger leur album. Ils offrent tout ça gratuitement. Puis, si vous aimez vraiment ça, ben pourquoi pas les encourager puis acheter un album. Avant ça, c'était Black Era, un groupe qui fait qui donne dans le dubstep, un groupe italien. Vous avez entendu la pièce I've Been Silent Enough. C'était sur le net label italien Quiet Bump. Pour poursuivre web music, on va entendre une dernière pièce. Il s'agit de Playstyle, un groupe qui donne dans le jazz. Je vous fais entendre la pièce Yap Yap. Vous allez voir, ça rentre pas mal. C'est sur le net label allemand 12 Rec. Donc, on écoute ça tout de suite. Playstyle, la pièce Yap Yap. Thank you. C'est ce qui va conclure l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. C'était Playstore ou la pièce Yap Yap. Donc, c'était sur le netlabel 12 Rec, un excellent netlabel. Ça fait assez longtemps qu'il existe quand même. Ils ont vraiment beaucoup de matériel intéressant. Donc, je vous invite à aller faire un tour de leur côté. Si vous avez manqué des bouts, ben c'est dommage, mais j'ai pas pu enregistrer l'émission ce soir. Donc, je vais essayer de trouver une façon pour récupérer tout ça puis vous l'offrir comme à l'habitude en balado-diffusion. Donc, vous pouvez entendre les autres émissions. Vous savez, juste à vous rendre sur la page qui est au www.webmusique.org. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Par la suite, ça sera pas Poil de Carotte. Poil de Carotte est en relâche ce soir. Ils vont être de retour la semaine prochaine. Donc, je vais vous laisser sur Kate Jarrett en spectacle enregistré au Blue Note à New York. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Puis, je vais vous souhaiter une bonne nuit sur les ondes de CKRL.